Bonsoir et bienvenue sur les lectures nocturnes de Radio Boncon, où l'on va lire le chapitre 4 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans l'épisode précédent, Harry s'est enfui de chez les Dursley et est tombé nez à nez avec un très gros chien noir. Mais avant qu'il ait eu le temps de s'en approcher, le magicobus a surgi nulle part pour l'embarquer. En discutant avec Stan, le contrôleur, il a appris qu'un dénommé Sirius Black s'est évadé de la prison des sorciers, où il était enfermé pour avoir été un fidèle partisan de Voldemort et pour avoir tué un sorcier et 12 moldus, 12 ans plus tôt. Puis Harry a été accueilli chaleureusement par le ministre de la magie sur le chemin de traverse, au lieu de se faire renvoyer de Poudlard ou d'être puni pour avoir violé la loi des sorciers en faisant enfler sa tente comme il le craignait. Harry s'est donc retrouvé à devoir loger au chaudron baveur en attendant la rentrée, et c'est ainsi qu'on file le retrouver. Harry mit plusieurs jours à s'habituer à cette étrange et nouvelle liberté. Jamais auparavant, il n'avait eu la possibilité de se lever quand bon lui semblait ou de manger ce qui lui plaisait. Il pouvait même aller où il voulait, à condition que ce fût sur le chemin de traverse. Mais comme cette longue rue pavée rassemblait les plus extraordinaires boutiques de sorcellerie du monde, Harry n'avait aucune envie de désobéir à Fudge en s'aventurant dans le monde des moldus. Chaque matin, il prenait son petit déjeuner dans la salle du chaudron baveur où il prenait plaisir à observer les autres clients. De drôles de petites sorcières débarquaient de la campagne pour faire du shopping sur le chemin de traverse, de vieux mages vénérables commentant le dernier article du mensuel de la Métamorphose, des sorciers hirsutes, des nains tapageurs et même un jour, quelqu'un qui avait l'air d'une harpie et qui commanda une assiette de foie cru, la tête dissimulée sous un passe-montagne. Après le petit déjeuner, Harry sortait dans la cour, derrière le pub, prenait sa baguette magique, tapotait la troisième brique au-dessus de la poubelle en partant de la gauche, et attendait que s'ouvre la porte en arcade qui donnait accès au chemin de traverse. Il passait de longues journées ensoleillées à explorer les boutiques et à manger à l'ombre des parasols multicolores disposés aux terrasses des cafés, où les autres clients se montraient leurs achats ou commentaient l'évasion de Sirius Black. Harry n'avait plus à faire ses devoirs de vacances en cachette sous sa couverture. À présent, il pouvait travailler en plein jour à la terrasse de Florian Fortarome, le glacier. Parfois, il bénéficiait de l'aide de Florian lui-même, qui savait beaucoup de choses sur la chasse aux sorcières du Moyen-Âge et donnait à Harry des Sundays gratuits toutes les demi-heures. Depuis qu'il avait rempli sa bourse de galions d'or, de mornies d'argent et de noises de bronze, qu'il était allé chercher dans sa chambre forte de Gringotts, Harry devait faire des efforts considérables pour ne pas tout dépenser d'un seul coup. Une semaine après son arrivée au chaudron baveur, son sens de l'économie fut mis à rude épreuve lorsqu'il vit une foule s'engouffrer soudain dans sa boutique préférée, le magasin d'accessoires de Quidditch. Intrigué, Harry entra à son tour et se fraya un chemin parmi les sorciers surexcités jusqu'à un podium qui venait d'être installé. Il aperçut alors le plus extraordinaire balai qu'il eût jamais vu. « Ça vient de sortir, c'est un prototype !» dit quelqu'un à côté de Harry. « C'est vrai que c'est le balai le plus rapide du monde, papa ?» demanda un jeune garçon accroché au bras de son père. « L'équipe nationale d'Irlande vient de commander 7 de ces merveilles pour ses joueurs, » annonça le patron du magasin. « Et ils partent favoris pour la Coupe du Monde !» Une grosse sorcière qui se tenait devant Harry se décida enfin à bouger et il put alors lire l'écriteau posé à côté du balai. L'éclair de feu. Avec sa ligne aérodynamique et son manche en bois de frêne recouvert d'un vernis garanti inattaquable, ce balai de course représente le dernier cri en matière de technologie. Chaque modèle porte sur le manche un numéro de fabrication gravé à la main qui garantit sa qualité. Les branches de bouleau soigneusement sélectionnées ont été taillées une par une pour obtenir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donnant à l'éclair de feu un équilibre et une précision insurpassables. Avec des accélérations de 0 à 240 km/h en 10 secondes et un sortilège de freinage à toute épreuve, l'éclair de feu offre les meilleures performances et les meilleures conditions de sécurité actuellement disponibles sur le marché. Prix sur demande. Prix sur demande. Harry n'osait même pas songer à la quantité d'or que pouvait coûter une telle merveille. C'était la première fois de sa vie qu'il désirait quelque chose avec autant d'intensité. Mais après tout, il n'avait jamais perdu un match de Quidditch sur son Nimbus 2000, alors à quoi bon vider le contenu de sa chambre forte de Gringotts pour acheter un éclair de feu, puisqu'il possédait déjà un excellent balai. Harry ne demanda pas le prix, mais il revint presque chaque jour dans le magasin pour contempler l'objet. Il y avait beaucoup d'autres choses qu'il était obligé d'acheter. Il passa chez l'apothicaire et renouvela son stock d'ingrédients pour potions, puis il acheta de nouvelles robes de sorcier, celles de l'année dernière étant désormais trop courtes de plusieurs centimètres. Plus important encore, il fit l'acquisition de ses nouveaux manuels, notamment ceux qui traitaient des deux nouvelles matières qu'il étudierait cette année, soit en créatures magiques et divination. Harry eut une surprise en regardant la vitrine du libraire. Au lieu de l'habituelle exhibition de grimoires de la taille d'un pavé à la couverture incrustée de lettres d'or, il y avait une grande cage de fer dans laquelle était enfermée une centaine d'exemplaires du monstrueux livre des monstres. Les pages déchirées volaient en tous sens tandis que les livres se livraient à des matchs de lutte, s'agrippant dans des prises furieuses ponctuées de féroces claquements de couverture. Harry sortit sa liste de livres de sa poche et la regarda pour la première fois en détail. Le monstrueux livre des monstres était le manuel de base des cours de soins aux créatures magiques. Harry comprenait à présent pourquoi Hagrid lui en avait offert un pour son anniversaire. Il se sentit soulagé. Il avait craint que Hagrid ait encore adopté un animal terrifiant et qu'il ait besoin d'aide pour le maîtriser. Lorsque Harry rentra dans la librairie Fleury et Bottes, le directeur se précipita vers lui. « Élève de Poudlard ? » dit-il à Brûle-Pourpoint. « Vous êtes venu chercher vos nouveaux livres ?»« Oui, » dit Harry, « j'ai besoin de... »« Écartez-vous !» dit le libraire d'un ton impatient en repoussant Harry. Il passa une paire de gants épais, saisit une grosse canne noueuse et s'avança vers la porte de la cage aux livres monstrueux. « Pas la peine, » dit Harry, « j'en ai déjà un. »« Vraiment ?» Le visage du libraire exprima un profond soulagement. « Ça, c'est une bonne nouvelle, » dit-il. « Je me suis déjà fait mordre 5 fois ce matin. » Un bruit de déchirure retentit alors. Deux des livres monstrueux en avaient attrapé un troisième et s'acharnaient à le mettre en pièces. « Arrêtez, arrêtez !» s'écria le libraire en leur donnant de grands coups de canne à travers le barreau de la cage. « Je ne laisserai plus jamais ces horreurs entrer dans ma boutique. Plus jamais. C'est devenu une maison de fous. » « J'aurai besoin du livre de Cassandra Wablatsky, intitulé « Levez le voile du futur », dit Harry un œil sur sa liste. « Ah, vous allez étudier la divination !» dit le libraire en conduisant Harry au fond du magasin dans un coin consacré à la voyance. Il monta sur un escabeau et lui tendit un gros volume relié de noir. « Levez le voile du futur. Excellent guide d'initiation aux principales méthodes de divination. Chiromancie, boule de cristal, mare de café. » Mais Harry n'écoutait pas. Son regard était tombé sur un autre livre exposé au milieu d'une petite table. « Présage de mort, que faire lorsque l'on sent venir le pire ?»« Si j'étais vous, je ne lirais pas ça, » dit le libraire d'un ton léger. « Sinon, vous allez commencer à avoir des présages de mort partout et vous finirez par mourir de peur. » Mais Harry continuait de regarder fixement la couverture du livre. Elle représentait un gros chien noir de la taille d'un ours, avec des yeux flamboyants. Un chien qui avait quelque chose d'étrangement familier. Le libraire lui mit entre les mains un exemplaire de « Lever le voile du futur ».« Il vous faut autre chose ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit Harry, en arrachant ce regard de l'image du chien pour consulter d'un air absent sa liste de livres. « Il me faudrait le manuel du cours moyen de métamorphose et le livre des sorts et enchantements niveau 3. » 10 minutes plus tard, Harry sortit de chez Fleury et Bottes avec ses nouveaux livres sous le bras et retourna au chaudron baveur. Il marchait droit devant lui sans faire très attention où il mettait les pieds et bouscula plusieurs personnes sur son passage. Il monta d'un pas lourd les marches de l'escalier, entra dans sa chambre et jeta les livres sur le lit. Quelqu'un était venu faire le ménage. La fenêtre était ouverte et le soleil inonda la pièce. Derrière lui, Harry entendait le bruit des autobus qui roulaient dans le monde invisible des moldus, mêlé à la rumeur de la foule tout aussi invisible qui se pressait sur le chemin de traverse. Il aperçut alors son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. « Ça ne pouvait pas être un présage de mort, » dit-il à son image sur un ton de défi. « J'étais pris de panique quand j'ai vu cette chose dans Magnolia Crescent. C'était sans doute un simple chien errant. » Il leva machinalement la main et essaya d'aplatir ses cheveux. « Ça, c'est un combat perdu d'avance, » dit alors son miroir d'une voix sifflante. À mesure que les jours passaient, Harry essayait de repérer Ron ou Hermione dans la foule. On voyait à présent de nombreux élèves de Poudlard sur le chemin de traverse. Dans le magasin d'accessoires de Quidditch, Harry rencontra Seamus Finnegan et Dean Thomas, ses camarades de classe de la maison de Gryffondor. Eux aussi regardaient l'éclair de feu avec de grands yeux ronds. Devant la librairie, il rencontra également le véritable Neville Londubat, un garçon distrait au visage lunaire. Harry ne s'arrêta pas pour bavarder avec lui. Neville avait perdu sa liste de livres et se faisait réprimander bruyamment par sa redoutable grand-mère. Harry espérait bien qu'elle n'apprendrait jamais qu'il s'était fait passer pour son petit-fils dans le Magicobus. Le dernier jour des vacances, Harry se réveilla en pensant qu'au moins, il était sûr de revoir Ron et Hermione le lendemain, à bord du Poudlard Express. Il se leva, s'habilla, alla jeter un dernier coup d'œil à l'éclair de feu et s'apprêtait à aller déjeuner, lorsque quelqu'un cria son nom derrière lui. « Harry ! Harry !» Ils étaient là tous les deux, assis à la terrasse de chez Florian Fortarome en lui faisant de grands signes de la main. Hermione arborait un bronzage impressionnant et Ron semblait avoir plus de taches de rousseur que jamais. « Enfin !» dit Ron avec un large sourire tandis que Harry s'asseyait à leur table. « On est allé te chercher au chaudron baveur, mais ils nous ont dit que tu étais parti. »« J'ai déjà acheté toutes mes fournitures, » expliqua Harry. « Mais comment avez-vous su que j'étais au chaudron baveur ?»« Par mon père, » répondit simplement Ron. Monsieur Weasley, qui travaillait au ministère de la magie, devait être au courant de toute l'histoire, y compris de ce qui était arrivé à la tante Marge. « C'est vrai que tu as gonflé ta tente comme un ballon ?» demanda Hermione d'un air grave. « Je ne l'ai pas fait exprès, » assura Harry pendant que Ron éclatait de rire. « J'ai simplement perdu mon sang-froid. »« Ce n'est pas drôle, Ron, » dit sèchement Hermione. « Honnêtement, je suis stupéfaite que Harry n'ait pas été renvoyé de Poudlard. »« Moi aussi, » admit Harry. « Je m'attendais même à me faire arrêter. »« Ton père ne sait pas pourquoi Fudge a fermé les yeux ?» ajouta-t-il en se tournant vers Ron. « Sans doute parce que c'est toi, » répondit Ron qui riait toujours. « Le célèbre Harry Potter. » « Je préfère ne pas savoir ce que le ministère me ferait à moi si je m'amusais à gonfler une de mes tantes. Remarque, il faudrait d'abord qu'il me déterre, parce que ma mère m'aurait déjà tué sur le champ. Tu n'as qu'à demander à mon père ce soir. Nous aussi, on va passer la nuit au chaudron baveur. Comme ça, tu pourras venir avec nous à la gare demain. Hermione reste aussi. Hermione, le visage rayonnant, approuva d'un signe de tête. Mes parents m'ont laissé ici avec toutes mes affaires. Formidable ! S'exclama Harry d'un ton joyeux. Alors, vous avez tout acheté ? Il ne vous manque plus rien ? Regarde ça, dit Ron en sortant une longue boîte qu'il ouvrit délicatement. Une baguette magique toute neuve. 35 cm de long en bois de saule, avec un crin de queue de licorne à l'intérieur. Et on a acheté tous nos livres, ajouta-t-il en montrant un grand sac sous sa chaise. Tu as vu un peu ce livre des monstres ? Le libraire a failli fondre en larmes quand on lui a dit qu'il nous en fallait deux. Et tout ça, qu'est-ce que c'est ? Demanda Harry en montrant trois énormes sacs posés autour d'Hermione. Cette année, j'ai pris davantage d'options que vous, expliqua-t-elle. Ça, ce sont mes livres d'arithmancie, de soins en créatures magiques, de divination, d'études des runes, d'études de moldus. Pourquoi étudier les moldus ? S'étonna Ron en lançant un regard effaré à Harry. Tu es né dans une famille de moldus. Tes parents sont des moldus. Tu sais déjà tout des moldus. Ce qui me passionne, c'est de les étudier du point de vue des sorciers, répondit Hermione avec le plus grand sérieux. Est-ce que tu as quand même l'intention de dormir ou de manger un peu cette année ? Demanda Harry tandis que Ron éclatait d'un rire goguenard. Mais Hermione fit semblant de ne pas avoir entendu. Il me reste 10 galions d'or, dit-elle. En septembre, c'est mon anniversaire et mes parents m'ont donné un peu d'argent pour m'acheter un cadeau d'avance. Tu pourrais t'offrir un livre, par exemple ? Lança Ron d'un air faussement naïf. Non, je ne crois pas, répondit Hermione d'un ton posé. J'ai très envie d'un hibou. Harry a Edwige, toi tu as Errol. Je n'ai rien du tout, coupa Ron. Errol, c'est le hibou de la famille. Moi, tout ce que j'ai, c'est Croutard. Il sortit son rat de sa poche. Et il faudrait que je fasse examiner, ajouta-t-il en posant l'animal sur la table. Je crois que l'Égypte ne lui a pas fait de bien. Croutard avait l'air plus maigre qu'à l'ordinaire et ses moustaches tombaient tristement. Il y a une boutique de créatures magiques là-bas, dit Harry qui connaissait par cœur le chemin de traverse à présent. Tu n'as qu'à aller voir s'ils ont un remède pour Croutard, et Hermione pourra acheter son hibou. Ils payèrent leur glace et traversèrent la rue pour aller à la ménagerie magique. La boutique n'était pas très grande et les murs étaient entièrement recouverts de cages. Il y régnait un vacarme permanent, accompagné d'une forte odeur. Les créatures qui occupaient les cages passaient leur temps à piailler, couiner, caqueter, siffler. Derrière le comptoir, une sorcière donnait des conseils à un client sur les soins à prodiguer aux tritons à double queue. Pendant ce temps, Harry, Ron et Hermione examinèrent les créatures enfermées dans les cages. Deux énormes crapauds violets gobaient des cadavres de mouches à viande en émettant des bruits de succion. Une tortue géante à la carapace incrustée de pierres précieuses étincelait près de la vitrine. Des escargots venimeux de couleur orange rampaient lentement sur les parois de leur cage de verre et un gros lièvre blanc se métamorphosait sans cesse en chapeau haute forme dans un bruit de pétard. Il y avait aussi des chats de toutes les couleurs, une cage pleine de carbo-jacasseurs, un panier de petites créatures à fourrure qui chantonnaient bruyamment et, sur le comptoir, une grande cage remplie de rats noirs qui sautaient à la corde en se servant de leur queue. Le client en triton sortit de la boutique et Ron s'approcha du comptoir. « J'ai des ennuis avec mon rat, » dit-il à la sorcière. « Il est un peu patraque depuis qu'on est allé en Égypte. »« Mettez-le-moi sur le comptoir, » dit la sorcière en sortant une paire de grosses lunettes noires. Ron extirpa Croutard de sa poche et le déposa à côté de la cage remplie de ses congénères qui cessèrent aussitôt leur jeu et se précipitèrent sur les barreaux pour regarder de plus près. Comme presque tout ce qu'il possédait, Ron l'avait hérité d'un de ses frères. Il avait appartenu à Percy. Et Croutard n'avait jamais été très reluisant. À côté des rats aux poils soyeux rassemblés dans la cage, il semblait particulièrement pitoyable. « Hum, grommela la sorcière. Il a quel âge, ce rat ?»« Je ne sais pas, » dit Ron. « Il est vieux, ça c'est sûr. Avant, il appartenait à mon frère. »« Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ?» demanda la sorcière en examinant soigneusement Croutard. « Hein ?» dit Ron. La vérité, c'était que Croutard n'avait jamais manifesté le moindre don pour quoi que ce soit. Les yeux de la sorcière regardèrent l'oreille gauche en lambeaux de l'animal, puis sa patte de devant amputée d'un doigt. « Il est au bout du rouleau, » dit-elle en hochant la tête. « Il était déjà comme ça quand Percy me l'a donné, » répondit Ron comme pour se défendre. « Un rat ordinaire comme celui-là vit rarement plus de 3 ans, » dit la sorcière. « Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus résistant, vous pourriez peut-être essayer un de ceux-ci. » Elle montra les rats noirs qui recommencèrent à sauter à la corde. « Des cabotins, » murmura Ron. « Si vous n'en voulez pas d'autres, essayez ce rat confortant. « C'est un tonique pour rabougri, » dit la sorcière en prenant un flacon rouge sous le comptoir. « D'accord, » dit Ron. « C'est combien ?»« Oui !» Ron se plia en deux, les mains levées pour se protéger. Une chose énorme de couleur orange s'était élancée de la plus haute des cages et avait atterri sur sa tête, puis rebondit au milieu du comptoir en se précipitant sur Croutard avec des sifflements furieux. « Non, ça suffit, Patanron !» s'écria la sorcière. Mais Croutard lui avait glissé des mains comme un savon. Il atterrit sur le sol, les pattes écartées, et s'enfuit vers la porte de la boutique. « Croutard !» s'exclama Ron en se lançant à sa poursuite dans la rue. Harry le suivit, et il leur fallut près d'une dizaine de minutes pour retrouver Croutard qui était allé se réfugier sous une poubelle, à proximité du magasin d'accessoires de Quidditch. Ron remit le rat tout tremblant dans sa poche et se redressa en se massant la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'est tombé sur le crâne » dit-il. C'était soit un très gros chat, soit un petit tigre, suggéra Harry. Où est Hermione? Sans doute en train d'acheter son hibou. Ils revinrent sur leurs pas parmi la foule qui se pressait sur le chemin de traverse. Lorsqu'ils furent de retour devant la ménagerie magique, Hermione sortit de la boutique, mais ce n'était pas un hibou qu'elle serrait dans ses bras. C'était l'énorme chat orange. « Ne me dis pas que tu as acheté ce monstre !» s'exclama Ron, bouche bée. « Il est magnifique, tu ne trouves pas ?» dit Hermione rayonnante. « Question de goût, » pensa Harry. La fourrure orangée du chat était épaisse et foisonnante, mais l'animal avait les pattes nettement arquées, et son museau étrangement écrasé, comme s'il avait heurté un mur de plein fouet, lui donnait l'air grincheux. À présent que Croutard avait disparu de son champ de vision, le chat ronronnait paisiblement dans les bras d'Hermione. « Hermione, cette chose m'a quasiment scalpé !» protesta Ron. « Il ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas, Patoron ?» dit Hermione. « Et pour Croutard, il ne l'a pas fait exprès ?» s'indigna Ron en montrant la bosse que formait sa poche. « Ce rat a besoin de repos et de tranquillité. Il n'aura jamais la paix avec un machin comme ça autour de lui. »« Ça me fait penser que tu avais oublié ton raconfortant, » dit Hermione en lui glissant dans la main le petit flacon rouge. « Et cesse de te faire du souci. Patonron dormira dans le dortoir des filles et Croutard dans celui des garçons. Alors je ne vois pas le problème. »« Pauvre Patonron, cette sorcière m'a dit qu'il est resté dans cette boutique pendant une éternité. Personne ne voulait de lui. » »« Je me demande bien pourquoi. » dit Ron d'un ton sarcastique tandis qu'il prenait la direction du chaudron baveur. Monsieur Weasley, assis au bar, lisait la gazette du sorcier. « Harry » lança-t-il avec un grand sourire. « Comment vas-tu ? » « Très bien, merci, » répondit Harry. Suivi de Ron et d'Hermione, il rejoignit Monsieur Weasley au bar. À la une du journal s'étalait à nouveau une photo de Sirius Black qui le regardait. « Ils ne l'ont toujours pas attrapé ? » demanda-t-il. « Non, » répondit Monsieur Weasley avec une soudaine gravité. « Nous avons tous été mobilisés pour essayer de le retrouver, mais jusqu'à présent, nous avons échoué. » « Est-ce qu'on toucherait une récompense si on l'attrapait ?» demanda Ron. « Ce serait une bonne chose de ramasser un peu d'argent. »« Ne sois pas ridicule, Ron, » répliqua M. Weasley qui paraissait très tendu. « Black ne va pas se laisser prendre par un sorcier de 13 ans. Il n'y a que les gardiens d'Azkaban qui puissent le capturer, tu peux me croire. » À cet instant, Mme Weasley fit son entrée dans le bar, chargée de ses achats et suivie par ses fils jumeaux, Fred et George, qui allaient commencer leur 5e année à Poudlard, Percy, le nouveau préfet en chef, et Ginny, la Benjamine de la famille. Ginny, qui avait toujours eu un faible pour Harry, sembla encore plus gênée qu'à l'ordinaire lorsqu'elle l'aperçut, sans doute parce qu'il lui avait sauvé la vie l'année précédente à Poudlard. Elle rougit jusqu'aux oreilles et marmonna un vague « Salut !» sans le regarder. Percy, en revanche, lui tendit la main d'un air solennel, comme s'ils se rencontraient pour la première fois. « Harry, très heureux de te voir » dit-il. « Salut, Percy !» répondit Harry en s'efforçant de ne pas éclater de rire. « J'espère que tu vas bien !» ajouta pompeusement Percy en lui serrant la main. Harry avait l'impression de participer à une cérémonie officielle. « Très bien, merci, » assura-t-il. « Harry !» lança Fred en écartant Percy d'un coup de coude et en s'inclinant profondément. « C'est fabuleux de te voir, mon vieux !»« C'est même magnifique !» ajouta George en poussant Fred et en serrant à son tour la main de Harry. « Absolument épatant !» Percy fronça les sourcils. « Ça suffit maintenant !» dit Madame Weasley. « Maman !» s'exclama Fred comme s'il venait tout juste de s'apercevoir de sa présence. « C'est vraiment renversant de te voir !»« J'ai dit ça suffit !» répéta Madame Weasley en posant ses sacs sur une chaise vide. « Bonjour, Harry, mon chéri !» « J'imagine que tu connais déjà la nouvelle ?» Elle montra l'insigne en argent flambant neuf sur la poitrine de Percy. « Le deuxième préfet en chef de la famille, » dit-elle avec orgueil. « Et le dernier, » marmonna Fred dans un souffle. « Ça, je n'en doute pas, » reprit Madame Weasley en fronçant les sourcils. « J'ai remarqué qu'aucun de vous n'a été nommé préfet. »« Et pourquoi est-ce qu'il faudrait être préfet ?» s'indigna George que l'idée semblait révoltée. « La vie ne serait plus drôle du tout. » Ginny eut un petit rire. « Tu pourrais donner un meilleur exemple à ta sœur, » répliqua sèchement Madame Weasley. « Ginny a d'autres frères qui peuvent lui servir d'exemple, maman, » dit Percy d'un ton supérieur. « Je vais me changer pour aller dîner. » Il s'éloigna et George poussa un profond soupir. « On a essayé de l'enfermer dans une pyramide, » dit-il à Harry, « mais maman nous a vus. » Ce soir-là, le dîner fut particulièrement agréable. Tom avait disposé 3 tables côte à côte dans le salon et il servit 5 plats délicieux à la famille Weasley, accompagnés de Harry et d'Hermione. « Comment on va faire pour aller à la gare demain ?» demanda Fred à son père tandis qu'ils entamaient un somptueux gâteau au chocolat. « Le ministère va nous envoyer 2 voitures, » répondit Monsieur Weasley. Tout le monde se tourna vers lui. « Comment ça se fait ?» s'étonna Percy. « C'est à cause de toi, Perse, » dit George le plus sérieusement du monde. « Ils vont même mettre des petits drapeaux sur le capot avec les lettres P-E-C brodées dessus. »« Ça veut dire prétentieux et crâneur, » ajouta Fred. Tout le monde pouffa de rire, sauf Percy et Madame Weasley. « Pourquoi le ministère nous envoie-t-il des voitures, papa ?» demanda à nouveau Percy d'une voix cérémonieuse. « Eh bien, étant donné qu'on n'en a plus et que je travaille là-bas, « ils ont décidé de me faire une fleur, » répondit Monsieur Weasley. Il avait dit cela d'un ton détaché, mais Harry remarqua que ses oreilles étaient devenues écarlates, comme celles de Ron lorsqu'il n'était pas très à l'aise. « Et heureusement, » intervint Madame Weasley, « tu te rends compte de tous les bagages que vous avez, à vous tous? Vous offririez un beau spectacle dans le métro des Moldus. Vos valises sont prêtes, j'espère. »« Ron n'a pas encore rangé toutes ses affaires dans la sienne, » dit Percy d'un ton douloureux. Il a tout entassé sur mon lit. Tu ferais bien de t'en occuper maintenant, Ron, dit Madame Weasley. Demain, nous n'aurons pas beaucoup de temps. Ron jeta un regard noir à Percy. À la fin du dîner, tout le monde avait l'estomac bien plein et se sentait un peu endormi. Un par un, les convives montèrent l'escalier pour préparer les bagages. Ron et Percy occupaient la chambre voisine de celle de Harry. Celui-ci venait de boucler sa valise lorsqu'il entendit des éclats de voix de l'autre côté du mur. Il sortit dans le couloir pour voir ce qui se passait. La porte de la chambre 12 était entrouverte et Percy semblait furieux. « Il était là, sur la table de chevet » hurla-t-il. « Je l'avais enlevé pour l'astiquer. »« Je n'y ai pas touché, c'est tout » répliqua Ron. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry. « Mon insigne de préfet en chef a disparu, » dit Percy en se tournant vers Harry. « Et le raconfortant de Croutard aussi, » ajouta Ron en fouillant dans sa valise. « Je me demande si je ne l'ai pas oublié au bar. » « Pas question de sortir d'ici tant qu'on n'aura pas retrouvé mon insigne, » s'écria Percy. « J'ai fini de faire ma valise. Je peux aller chercher le médicament de Croutard, » dit Harry à Ron en sortant de la pièce. Il était presque arrivé au bar lorsqu'il entendit les échos d'une autre dispute en provenance du petit salon. Il reconnut les voix de Monsieur et Madame Weasley. Harry hésita. Il aurait voulu se faire le plus discret possible, mais lorsqu'il entendit prononcer son propre nom, la curiosité l'emporta et il s'approcha de la porte. « C'est absurde de ne rien lui dire !» s'exclamait Monsieur Weasley. « Harry a le droit de savoir. J'ai essayé d'en parler à Fudge, mais il n'a rien voulu entendre. Il persiste à traiter Harry comme un gamin. Pourtant, à 13 ans, il est quand même... « Arthur !» l'interrompit Madame Weasley d'une voix perçante. « Harry serait terrifié s'il apprenait la vérité. Tu veux vraiment qu'il retourne en classe avec cette menace au-dessus de la tête ? Laisse-le donc tranquille. Il est beaucoup plus heureux en ne sachant rien. Je ne veux pas le démoraliser, je veux simplement qu'il soit sur ses gardes, » répliqua Monsieur Weasley. « Tu sais bien comment ils sont, lui et Ron. Ils vont toujours se promener tous les deux. Ils se sont retrouvés deux fois dans la forêt interdite. Mais cette année, il ne faut surtout pas que Harry recommence ce genre de fantaisie. Quand je pense à ce qui aurait pu lui arriver le soir où il s'est enfui de chez lui, si le Magicobus ne l'avait pas ramassé, je suis sûre qu'il serait mort avant que le ministère le retrouve. » « Justement, il n'est pas mort. Il est même en parfaite santé. Alors à quoi bon ?»« Molly, on dit que Sirius Black est fou et c'est sans doute vrai. Mais il a été suffisamment intelligent pour arriver à s'évader d'Azkaban alors qu'en principe, c'est impossible. Il y a maintenant 3 semaines qu'il est en fuite et on n'a pas retrouvé la moindre trace de lui. Fudge peut bien dire tout ce qu'il veut à la Gazette du Sorcier. On n'est pas plus près d'attraper Black que d'inventer des baguettes magiques automatiques. La seule chose certaine, c'est que les intentions de Black... Mais Harry sera parfaitement en sécurité à Poudlard. On pensait aussi que la prison d'Azkaban offrait toutes les conditions de sécurité. Si Black a réussi à s'en échapper, il peut aussi s'introduire à Poudlard. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'il en veuille à Harry. Il eut un coup sourd, comme si Monsieur Weasley venait de taper du poing sur la table. Molly ! Combien de fois faudra-t-il que je te le répète ? Ils n'en ont pas parlé dans la presse parce que Fudge ne veut pas que ça se sache, mais il s'est rendu à Azkaban la nuit où Black s'est évadé. Les gardiens lui ont dit que depuis un certain temps, Black parlait dans son sommeil et qu'il répétait toujours la même chose. « Il est à Poudlard. » Black a l'esprit dérangé, Molly, et il veut tuer Harry. À mon avis, il doit être persuadé que tuer Harry permettrait de ramener Tu-sais-qui au pouvoir. Black a tout perdu le soir où Harry a mis un terme aux agissements de Tu-sais-qui, et il a eu tout le temps de ruminer ça pendant les 12 ans qu'il a passé à Azkaban. Il eut un silence et Harry se pencha un peu plus vers la porte, avide d'en entendre davantage. « Tu n'as qu'à faire ce que tu crois utile, Arthur, » dit Madame Weasley. « Mais tu oublies Albus Dumbledore. » Je ne pense pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit à Harry avec Dumbledore comme directeur de Poudlard. J'imagine qu'il est au courant. Bien entendu, il a fallu lui demander l'autorisation de poster des gardiens d'Azkaban aux différentes entrées de l'école. Il n'était pas très content, mais il a quand même accepté. Pas très content ? Pourquoi serait-il mécontent s'ils parviennent à capturer Black ? Dumbledore n'aime pas beaucoup les gardiens d'Azkaban, dit Monsieur Weasley. Moi non plus d'ailleurs, mais quand on a affaire à un sorcier tel que Black, il faut parfois travailler avec des gens qu'on préférerait éviter. S'ils arrivent à sauver Harry... « Dans ce cas, je ne dirai plus jamais rien contre eux, » assura Monsieur Weasley d'un ton las. « Il est tard, Molly. On ferait bien d'aller se coucher. » Harry entendit bouger des chaises. Dans le plus grand silence, il fila alors en direction du bar où on ne pouvait le voir. La porte du petit salon s'ouvrit et des bruits de pas lui indiquèrent que Monsieur et Madame Weasley montaient l'escalier. La bouteille de tonique pour rat se trouvait sous la table à laquelle il s'était assis dans l'après-midi. Harry attendit que la porte de la chambre de Monsieur et Madame Weasley se soit refermée, puis il monta l'escalier à son tour avec le flacon. Fred et George, accroupis dans la pénombre du couloir, se retenaient de rire en écoutant Percy fouiller partout dans la chambre pour essayer de retrouver son insigne. « C'est nous qui l'avons, » chuchota Fred à Harry. « On l'a un peu arrangé. » À présent, on pouvait lire sur l'insigne « Roquet en chef ». Harry se força à rire, alla donner à Ron le tonique pour rat, puis il s'enferma dans sa chambre et s'allongea sur son lit. Ainsi donc, Sirius Black cherchait à le tuer. Tout s'expliquait à présent. Fudge s'était montré indulgent envers lui simplement parce qu'il avait été soulagé de le retrouver vivant. Et il avait fait promettre à Harry de rester sur le chemin de traverse où il y avait plein de sorciers pour veiller sur lui. Il allait envoyer 2 voitures officielles qui les emmèneraient à la gare pour que les Weasley puissent le surveiller jusqu'à ce qu'il monte dans le train. Harry resta immobile à écouter les cris étouffés qui provenaient de la chambre voisine en se demandant pourquoi il avait beaucoup moins peur qu'il n'aurait dû. Sirius Black avait tué 13 personnes en lançant un seul sort. Et Monsieur et Madame Weasley étaient persuadés qu'il serait saisi de panique s'il venait à apprendre la vérité. Mais Harry était parfaitement d'accord avec Madame Weasley lorsqu'elle affirmait qu'il n'y avait pas d'endroit plus sûr au monde que là où se trouvait Albus Dumbledore. Ne disait-on pas que Dumbledore était la seule personne que craignait Lord Voldemort lui-même? Black, qui avait été le bras droit de Voldemort, n'aurait-il pas tout aussi peur de lui? Et puis il y avait aussi ces gardiens d'Azkaban dont tout le monde ne cessait de parler. Ils semblaient inspirer une véritable terreur, et s'ils étaient postés tout autour de l'école, Black aurait beaucoup de mal à y rentrer. Finalement, ce qui préoccupait le plus Harry, c'était qu'il n'y avait pratiquement plus aucune chance d'obtenir l'autorisation de visiter Pré-au-Lard. Personne ne le laisserait quitter le périmètre protégé du château tant que Black n'aura pas été rattrapé. Harry s'attendait à faire l'objet d'une surveillance de tous les instants jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Il fronça les sourcils en contemplant le plafond plongé dans la pénombre. Pensait-il vraiment qu'il était incapable de se débrouiller tout seul? Il avait échappé 3 fois aux griffes de Voldemort, il n'était donc pas si empoté. L'image de la bête tapie dans l'obscurité de Manuela Crescent s'imposa alors à son esprit. Que faire lorsque l'on sent venir le pire? « Je ne me laisserai pas assassiner, » dit Harry à voix haute. « Excellent état d'esprit, cher ami, » répondit le miroir d'une voix endormie.